Les immeubles de la colline seront toujours là, collés comme des images sur le ciel changeant. Ils seront là, même après ce que tu as fait, même après la traîtrise sans remords, même après qu'il ait eu tout ce qu'il voulait. Les immeubles de la colline seront encore là, inébranlables devant ta nudité immortalisée, sur son portable, indiscret aux envies inassouvies, te pénétrer au-delà de la dépossession panique, comme il sait que tu lui échappes. Les immeubles chiffonnent l'ombre lunaire sur la colline. Ils sont comme les aiguilles d'une horloge de nuit. Ils comptent le temps que ta bouche ensevelit. Ta bouche envahie, assouvie, dévouée à son plaisir. Son plaisir cru, cruel, égoïste, insatiable. Tu te courberas à chacun de ses désirs en te réjouissant de ta douleur folle et méritée, de celle que tu affliges, dont tu te débarrasses, car tu ne regretteras pas, tu recommenceras encore autant de fois qu'il faudra, sûr de ton horrible légitimité. Même dans mes yeux, tu ne trouveras pas la culpabilité, tu ne trouveras pas l'amour ni la honte, juste ces vils mensonges que tu continueras à perpétrer. Et les immeubles de la colline seront encore là. Je les verrai bander sur la colline sans jamais comprendre qu'il faut les dynamiter, puis brûler leurs carcasses en ruines, enflammer ce ciel où ils étaient collés depuis trop longtemps, qu'ils finissent par n'en rester plus rien que le dos rond de la colline. Qu'on oublie leurs existences et le souvenir amer, car je sais maintenant que tu ne vaux rien, aucune larme, aucun amour, ni même le mépris ou la haine. Rien. Pourtant, les immeubles de la colline sont toujours là. Sans doute que je n'ai rien compris, candide suicidaire. Je crois encore au-delà de la raison, à l'humanité. Et je regarde les immeubles dressés fièrement et cette colline qui les maintient écorchés par leurs fondations. Il me rassure, m'attire comme un chant de sirène. J'essaie une dernière fois d'aimer au-delà de ma dignité, au-delà de ce sentiment que je vais encore tomber, je vais encore tomber, je vais encore tomber.